que t'as mis de côté. Je le claque en vacances. Ils diront que t'as changé une fois que tu prends de l'avance. Madame t'a menotté, fiston est trop gâté. J'vis grave plus, j'suis recherché par la brigade des finances. Mon pote Zé est pas la frais, mais j'peux pas tout te raconter. On a toutes sortes de contacts, j'me méfie donc j'vais raconter. J'ai jeté Kishta à la maman, j'suis acheté Rolex pour papa. J'ramène la joie à la baraque, Dieu merci j'ai la baraka. C'est pas facile. Dans l'ombre j'attendais que la lumière me fasse un signe. J'ai grandi, compris qu'ici pas tout a un prix. J'rappais sur un site pro, hier j'ai fait l'Olympia. J'ai LK Bandito, personne je veut dire que j'fais les chars. 6.3, crois pas tu sors d'un cartel. T'es super sympa, un pied dans les affaires. Mente pas pourquoi, verso nous on encaisse. J'sais pas pour toi, j'remonte l'avenue des chars. Je remonte la vie.